بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le ciel aux constellations. واليوم الموعود Et par le jour promis. وشاهد ومشهود Et par le témoin et ceux dont on témoigne. قتل أصحاب الأخدود Périssent les gens de l'Oudhoud. النار ذات الوقود Par le feu plein de combustible. إذ هم عليها قعود Cependant qu'ils étaient assis tout autour. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد À qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre, Allah est témoin de toutes choses. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. إن بطش ربك لشديد. La riposte de ton Seigneur est redoutable. إنه هو يبدئ ويعيد. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. وهو الغفور الودود. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. ذو العرش المجيد. Le maître du trône, le tout glorieux. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ T'est-il parvenu le récit des armées فِرْعَوْنَ وَثَمُودِ De Pharaon et de Thamoud بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ Alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ Mais c'est plutôt un Coran glorifié. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ Préservé sur une tablette auprès d'Allah.